Les haies mal placées me font frissonner dans le dos. Sa main supporte autant que les gouttes restantes au fond du lavabo. Comment peut-on vivre avec des lattes non parallèles et avec la même catastrophe pour tes bretelles? Et ce lampadaire brillant un peu moins me fait grincer des dents, me fait trembler des mains. En plus, il n'est pas si bien aligné avec les autres réverbères de la vie. Je n'en peux plus. Ce n'est pas moi qui suis maniaque, ce sont les autres. Je vous tiens des petits détails qui font qu'en sortant de chez moi, j'ai le trac de tomber sur des arbres qui ne font pas la même taille. Comment faire pour que je ne m'inquiète plus du parallélisme des bandes de passage piétons dans la rue, de la symétrie axiale de toutes les maisons, et de si mon beurre respecte la vitesse moyenne des autres quand ils font. Les gens ont très très souvent peur de moi quand je sors mon nez pour mesurer la hauteur des marches au cinéma. Et les gens n'ont pas fini de me prendre pour un con chaque fois que je remets bien droit tous les tableaux dans leur salon. Je n'en peux plus. Ce n'est pas moi qui suis maniaque, ce sont les autres. Je vous tiens des petits détails qui font qu'en sortant de chez moi, j'ai le trac de tomber sur les arbres qui ne font pas la même taille. Comment faire pour que je ne m'inquiète plus du parallélisme des bandes de passage? Aidez-moi le monde, être devenu sale, rendez-lui sa symétrie axiale, rendez-lui sa symétrie. Alors attention, cette chanson, donc celle qu'on va jouer, s'appelle Les Méchants. C'est une chanson contre les méchants, car les méchants, c'est la pire chose qui n'est jamais arrivée à la Terre. Donc c'est simple. Pas maintenant. Donc dans cette chanson, il y a un truc qu'on répète pratiquement tout le long. C'est les méchants, justement. Alors, c'est simple, vu qu'on n'a pas assez de micros pour faire les chœurs, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire les chœurs. Ouais. Quel enthousiasme. Donc, le truc, c'est simple, c'est... Oh, les méchants. Bon, tout le monde fait ça. 3, 1, voilà. Bon, on va bien voir.